L'Afrique perd plus de 4 millions d'hectares de forêt par an. Une superficie qui équivaut à celle de la Suisse. Couleur 3, 22h-23h, Live Act. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Live Act, l'émission qui vous maintiendra en vie tous les soirs de 22h à 23h et ce jusqu'au 3 janvier 2010 grâce à des concerts de haute qualité, glanés à droite, à gauche et souvent à l'occasion de festivals. Ce sera le cas pour le concert d'aujourd'hui, celui des Crookers, un duo italien de musique électronique formé en 2003 par les deux DJ Andrea Fratangelo et Francesco Barbaglia, surnommés Fra et Bot. Ce soir, fans de rock s'abstenir donc, on est dans la grosse bastringue électronique, mais ça dépote bien quand même. Ce que vous allez entendre a été enregistré live à l'Oxygen Festival de Dublin en 2009. Live Act, le live de Couleur 3, 22h, 23h. We'll be right back. Act, le live de couleur 3, 22h, 23h. We'll be right back.

baseline. We'll be right back. pour le 3. Sur Couleur 3, je vous rappelle que nous sommes en plein milieu d'un concert des Crookers enregistré live à l'Oxygen Festival de Dublin 2009. Dancing in the down, dancing in the down, dancing in the down, dancing in the down. Couleur 3, 22h, 23h, le live. We can find our desire. I'm going in for the kill. I'm doing it for thrill. I'm opening your love to stand. And I'm gonna get mine. let me back up. Live Act, le live de couleur 3. Voilà, Live Act s'achève pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 22h pour un live de Deadmau5, également enregistré à l'Oxygen Festival 2009 de Dublin en Irlande, décidément. Pierrick et Rodolphe vous souhaitent bonne nuit. Yverdon, 23h. Pretoria, minuit. Lisbonne, 22h.